Chapitre 8e. Remis de la surprise qu'il avait éprouvée en entendant accuser si énergiquement un homme qu'il était presque disposé, lui, juge d'instruction, à croire innocent, M. Gourbet essaya de faire comprendre à Julia Vidal que sa douleur le rendait peut-être injuste, que son ardent désir de venger son mari la poussait à voir partout des coupables. À tous les raisonnements qui lui furent faits, elle répondit par ces mots : « Je ne me trompe pas, je suis sûr de ne pas me tromper. » « Avez-vous remarqué, demanda le juge, dans l'attitude, les regards, les paroles du prévenu, quelque chose qui m'est échappé ?»« Rien de particulier, » dit-elle. « Alors sur quoi basez-vous, non pas vos soupçons, mais votre conviction ?»« Sur rien et sur tout. Dès que cet homme est entré dans votre cabinet, j'ai senti qu'il se passait en moi quelque chose d'extraordinaire. Dès qu'il a parlé, tout mon être a tressailli. Pourquoi, s'il était innocent, me causa-t-il une pareille émotion ? Vous m'avez déjà mis en face de deux prévenus, et j'ai gardé tout mon calme. Ce Savary ne m'est pas étranger, il est étroitement lié à ma vie. J'ai souffert par lui, je souffrirai encore, j'en suis certaine, je vous le jure. Vous êtes italienne, madame, par conséquent un peu fataliste. C'est possible, monsieur, mais en ce moment je suis logique. D'où vient le trouble immense que j'ai ressenti en face d'une personne que je n'avais jamais vue, que je ne connaissais pas. C'est le coupable, monsieur, je vous dis que c'est le coupable. Et ses gestes, son attitude, le son de sa voix, ses yeux qui lançaient des éclairs, concouraient à soutenir cette étrange accusation. Elle était bien belle ainsi. On aurait dit quelque prêtresse de la vieille Italie, portant plainte au peuple contre un profanateur du temple. Tandis que M. Gourbet, un peu ébloui, la regardait, se demandant à l'aide de quelles paroles raisonnables il pourrait calmer une telle exaltation, un huissier entra et lui remit un papier. « Il est là ?» demanda le juge, après avoir jeté un coup d'œil sur le papier qu'on lui présentait. « Oui, monsieur, introduisez-le. » Un instant après, la porte s'ouvrit pour donner passage à Vibert. Dans sa lettre au marquis de X, pair de France, il a lui-même esquissé son portrait. Mais nous n'y reviendrons pas. « Vous avez désiré me parler ?» demanda le juge d'instruction, tandis que l'agent de police le salua respectueusement. « Oui, monsieur, je venais me mettre à vos ordres au sujet de l'assassinat de la rue de la Paix. » « C'est vous qui vous êtes présenté chez madame ?» dit le juge en désignant Julia. « En effet, mais je n'ai pas été reçu, » répliqua Vibert, qui regarda par-dessus ses lunettes bleues madame Vidal. « Connaissez-vous dans tous ces détails l'affaire dont vous parliez tout à l'heure et qui m'occupe en ce moment ?»« À peu près, monsieur. Je suis entré un des premiers dans l'appartement de la rue de la Paix, quelques instants après la découverte du crime. En effet, je me souviens, le commissaire de police de la section des Tuileries ne parlait-il pas de vous dans son rapport ?» « C'est possible, monsieur. Il mentionnait aussi, il me semble, certains soupçons que vous aviez conçus de prime abord. « Soupçons absurdes et que je regrette, » répliqua vivement Vibert en interrompant le juge et en jetant un regard plein de repentir du côté de madame Vidal. « Du reste, je dirais pour m'excuser que je ne les ai eus qu'une seconde. Ils se portent maintenant de tout autre côté. « Ah ! De quel côté ? Sur la même personne que monsieur le juge d'instruction, puisqu'il l'a fait arrêter hier. Vous voulez parler d'Albert Savary ? « Oui, monsieur. Voici le procès-verbal de l'interrogatoire que je viens de lui faire subir. Lisez-le attentivement. » Vibert s'assit à la place du greffier absent depuis un instant. Il a fermé ses lunettes sur son nez, mis ses deux coudes sur la table, sa tête dans ses mains, et s'absorba dans sa lecture tandis que M. Gourbet, assis devant la cheminée, s'entretenait avec Julia. « Eh bien, qu'en pensez-vous ? » demanda le juge d'instruction lorsqu'un quart d'heure après Vibert se leva. « Monsieur le juge, me permet-il de lui parler franchement ?»« Sans doute. Alors je pense que des éléments qui résultent de cet interrogatoire, il est impossible de tirer une condamnation et même une comparution en cour d'assises. Je suis de votre avis, une ordonnance de non-lieu est évidente. Si des éléments nouveaux ne viennent pas se joindre à ceux-ci, » ajouta Vibert. « En apportez-vous ? » demanda le juge avec intérêt. « Non, monsieur, mais j'en chercherai et j'en trouverai. Si vous êtes sur une bonne piste, fit observer M. Gourbet, si le sieur Savary est coupable. « Il l'est !» s'écria tout à coup Mme Vidal, qui ne perdait pas un mot de cette conversation tenue à haute voix. « Ah !» fit l'agent de police en se tournant vivement du côté de Julia. « Madame est convaincue de la culpabilité du prévenu. »« Convaincue !»« Bravo !» s'écria Vibert, qui, oubliant la présence du juge d'instruction, laissa bruyamment éclater sa joie. « Bravo » répéta-t-il, « Savary est perdu ?» Je suis certain maintenant de trouver des preuves contre lui. » M. Gourbet ne put s'empêcher de regarder avec curiosité cet étrange agent de police qui apportait de la franchise et de l'enthousiasme dans l'exercice d'une profession où la dissimulation et la froideur seules sont de mise ordinairement. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Viber, qui se recueillait depuis sa joyeuse et intempestive sortie, se frappa tout à coup le front, comme s'il avait trouvé une idée, et prenant la parole. Monsieur le juge d'instruction a probablement remarqué, en interrogeant le prévenu, qu'il avait affaire à forte partie. « Sans aucun doute, » répliqua M. Gourbet. « Innocent ou coupable, Savary est un homme des plus intelligents. »« Alors, » reprit Weber, « nous n'en tirerons rien tant qu'il sera en prison. »« Pourquoi ?»« Parce qu'un homme de sa force ne se laisse pas abattre par quelques jours ou quelques semaines de prison préventive. Quant à espérer qu'il fera des confidences à quelques codétenus, il n'y faut pas songer. » Il arrive à un prisonnier vulgaire ou un récidiviste de retrouver au dépôt un ancien camarade de chaîne et de se confier à lui. Ce camarade est devenu un mouton, tout dévoué à la police et on obtient ainsi des révélations importantes. Mais ici, rien de semblable ne peut arriver. Savary n'est exposé à rencontrer, à la conciergerie ou dans toute autre prison, aucune personne de connaissance et il se renfermera dans un mutisme absolu. « Qu'en concluez-vous ? » demanda M. Gourbet. « J'en conclurai. » Si monsieur le juge d'instruction voulait me permettre de lui donner mon avis, qu'il faut mettre immédiatement le prévenu en liberté. Et après, qu'espérez-vous? Se livrera-t-il davantage parce qu'il sera libre? Il y a certainement plus de chances pour qu'il se livre. Et si effrayé par tout ce qui vient de lui arriver et craignant d'être arrêté de nouveau, il prenait la fuite? Ce n'est pas probable, monsieur le juge. S'il avait dû fuir, il aurait essayé de le faire après avoir commis le crime, en admettant qu'il l'ait commis. Il a dû compter, pour déjouer tous vos efforts, sur son sang-froid et son habileté. Il aura bien plus de confiance en lui. Lorsqu'après être tombé entre les mains de la justice, il en sera sorti. Sa Paris, du reste, est un de ces Parisiens pur sang à qui le séjour de Paris est indispensable, qui ne savent pas vivre ailleurs, et qui affrontent toute espèce de danger plutôt que de s'expatrier. Ce n'est pas seulement dans sa sphère que nous avons pu faire cette remarque. Combien de malfaiteurs qui seraient parfaitement en sûreté à l'étranger ou même dans nos départements, risquent leur liberté, quelquefois leur tête, pour venir respirer l'air de Paris, si nécessaire à leurs poumons. Je continue à supposer Savary coupable, et je fais le raisonnement qu'il a dû faire. J'ai commis un crime qui peut m'envoyer à l'échafaud. Quelle conduite dois-je tenir? Fuirai-je? Mais c'est m'avouer coupable. Si je suis pris en route, ce qui est possible, mon affaire est claire. Si je ne le suis pas, je végète à l'étranger, sans moyen d'existence. Il vaut mieux rester et courir le risque d'être arrêté. J'ai trop d'esprit pour ne pas m'en tirer. C'est ce qu'il a fait. Du reste, continua Weber, après avoir repris haleine, car pénétré de son sujet, il parlait avec une certaine volubilité. Tout en rendant le prévenu à la liberté, je propose de le soumettre à une étroite surveillance, dont je me charge, et qu'il ne pourra deviner. Soit, dit le juge d'instruction, le prévenu est libre. Je l'admets un instant, et j'admets ainsi que vous soyez chargé de le surveiller. Quels sont alors vos projets? Quel est votre plan? Mon plan? Oh, monsieur, il demande à être fait à tête reposée. Mais je sens là, ajouta-t-il en se frappant le front, je sens qu'il réussira. Monsieur Gourbet regarda Weber. Son teint, habituellement blafard, s'était animé. Ses yeux étincelaient à travers ses lunettes. Sa taille s'était redressée. Il semblait convaincu de ce qu'il disait et sûr de son fait. Le juge d'instruction, avec sa grande expérience des hommes, comprit aussitôt qu'il se trouvait en face d'un de ces agents de police, fortement trempés, amoureux de leur art, qui peuvent rendre à la société des services inappréciables quand on les sait habilement employés. Aussi résolut-il de s'attacher pour l'affaire qu'il occupait un allié si précieux. Il n'est pas dans les habitudes des juges d'instruction d'avoir affaire directement aux agents de police et de les charger de missions spéciales. Mais dans le cas particulier qui se présentait, M. Gourbet crut pouvoir ne pas se conformer aux usages. « Ainsi vous répondez du succès, » demanda-t-il en se tournant vers le protégé du marquis de X. « Si Savary est coupable, » répondit sans hésitation Weber, « je réponds de vous apporter les preuves de sa culpabilité, mais j'ai certaines conditions à faire. » « Voyons, » dit le juge qui commençait à se familiariser avec les manières originales de son interlocuteur. « D'abord, » reprit l'agent de police, il est bien entendu qu'on le met en liberté dès demain. Il est possible que je provoque cette mise en liberté, je vais y réfléchir. Il sera utile aussi que plusieurs notes émanant du parquet soient envoyées aux différents journaux judiciaires pour annoncer cet élargissement. Dans ces notes, on paraîtra regretter l'accusation dont Savary a été l'objet, et s'être convaincu de sa parfaite innocence après un seul interrogatoire. Cela l'empêchera de se douter d'un piège. Il se croira entièrement libre et il surveillera moins ses paroles et ses démarches. « J'approuve votre idée, » dit M. Gourbet, qui ne put se défendre d'admirer la prévoyance de l'agent. « Après ? » demanda-t-il. « Après ? Ah, monsieur, » répondit Vibert, « voici le point le plus difficile. Je désire avoir entièrement carte blanche dans cette affaire, n'être soumis, pendant quelque temps, à aucun contrôle, n'être contrarié par aucun ordre émanant du parquet ou de la préfecture, et pouvoir disposer des fonds qui me seraient nécessaires si, pour ne pas perdre de vue l'accusé, il me fallait prendre certaines habitudes de luxe et de dissipation. Je conférerai de vos demandes avec qui de droit, et j'espère qu'elles vous seront accordées. « Alors, monsieur, » dit Vibert, « je n'ai plus qu'à me retirer et attendre votre décision. S'il m'est favorable, je dresserai mon plan et j'entrerai immédiatement en campagne. » Il dit ces paroles du ton convaincu d'un général partant pour une grande expédition et prenant congé du ministre de la guerre. Puis, se tournant vers Julia, qui avait assisté en silence à tout cet entretien, aux yeux de laquelle Vibert, par son assurance, par ses promesses, avait pris des proportions gigantesques, « Madame, lui dit-il, j'aurais peut-être besoin, avant peu, de m'entretenir avec vous. Voudrez-vous donner des ordres pour qu'on me reçoive ?»« Certainement, » fit Madame Vidal, « on vous introduira près de moi toutes les fois que vous vous présenterez. » Vibert salua et disparut sans bruit, tandis que Julia prenait congé du juge d'instruction.